viens poser avec un flow à l'ancienne. T'as pas capté, merde, crois pas m'entendre à l'antenne. Et t'étonne pas si ce soir la coupe est pleine, la quarantaine. J'irai peut-être, mais je suis pas sûr de l'atteindre. Tu fais le BG, mais bouge de là, tu me donnes envie de bégère. Ton rap c'est de la merde et tes fans le péchèrent. Il faut que je te dise que je m'en prends de ton business, de tes clips, de tes phrases, de ta clique et de tes claques. Avant les rides se dessiner, nos chemins se décimer, la destinée, faire de nos aides et déprimer. Les lignes défilent car dans ma tête les faces fusent. J'ai trop la rage, survenu mettre ça sur instru. Sur le beat j'ai faire des crimes de barbarie. Le rap ça part en vrille, je me fais discret comme Spadjari. Si j'arrive à percer dans ce putain de game, les jaloux voudront me descendre en 3 secondes comme les World Trade. Les rageux nous pensaient morts, donc forcément on revient mort. N'essaie pas de nous arrêter, toi-même tu sais qu'on passe en force. La bonne époque c'est loin, comme l'équipe de France championne du monde. On n'était pas encore tatoué, on y croyait qu'un jour on passerait sur les ondes. On se prenait pour des voyous quand on traînait les après. On se disait qu'on était ouf de tout savoir, c'est chez la perte. Je te parle d'un temps où t'es décès et t'es naissant. Passe-moi l'essence, j'ai trop la rime incandescente. Pour tous ceux qui nous pensent c'est mort. On revient. Toujours en force. Ok. Exercice de style, mais je pense pas que ce son plaira. Vu que je parle pas de putain de maille et que la prod n'est pas de guetta. J'en ai marre de ces faux rappeurs qui se lancent dans la house. Si tu veux du vocodeur, mon album ne l'achète pas. Je suis pas là pour faire du cash, sache-le. Pourquoi tu me tailles rageux? La roue tourne et moi, j'arrive au rond-point. Que le rap nique ses morts et qu'il aille les rejoindre. A trop tuer le temps, je pourrais bien prendre perpète. On rentre en studio à l'ancienne, pas de jeans, les moods certaines. J'attends pas après les majors, on fait ça avec nos couilles. J'ai pas attendu la pluie pour sécher mes cours. Certains diront que j'ai perdu l'inspi. Mais si ce son est déjà fini, c'est que c'est qu'un exercice de style.